Audiomatique. Tu sais, il a tout jeté. De tes papiers c'est brûlé, enterré, classé. Toi l'ex-kleptomane, tu n'y as rien laissé. Il a tout jeté, ses tendres espoirs et son passé. Son cœur, son corps sont une galerie sans décor. J'ai fouillé pour trouver une âme, mais j'ai trouvé un homme déserté. J'ai trouvé amorcer la transmission 479 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la chanson « Un homme déserté » de l'artiste française Camille Dalmet, qui œuvre musicalement simplement en tant que Camille. cette pièce est tirée de son premier album, Le Sac des filles, paru en 2002. Et maintenant, c'est au tour du groupe américain Other Lives d'assurer la continuité à Audiomatic. Turn my eyes so I can see. It's good enough for me. I set you there for the last time. What is the need? with the tears in your eyes. This time I'm not afraid, 'cause my heart's your head fall back, love like you never. Audiomatic. C'était l'artiste anglaise Natasha Khan qui se produit sous le pseudonyme de Bat for Lashes de son troisième album The Haunted Man, lancé en 2012. Nous entendions la chanson Deep Sea Diver. Tout juste avant, on avait droit à l'artiste gallois John Cale, qui est bien sûr connu comme étant un des membres fondateurs du groupe américain de Velvet Underground. Du 17e album studio de John Cale, intitulé Mercy, et sorti en janvier 2023, nous écoutions la chanson The Legal Status of Ice, à laquelle la formation anglaise Fat White Family a participé. Et pour débuter, il s'agissait du groupe américain Other Lives, de son troisième album Rituals, paru en 2015. Nous vous avons offert la chanson For the Last. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe américain Sparks. Take me, take me, take me. The petals stagger onto me. See, my body carried splintering, and I remember scorching it all. Following parades of ashes, to following red embers leading to flames, to flames, to flames, to flames, to flames. When I remember pacing blank ground, I remember thorns shredding my palms, and I remember scorching it all. Surface of the water bend, see it caving, diving over me. Bring a steady pour of hours to clear the moss from days dissolving, and see stagger on to me. See my body carried splintered and high enough for scattering amaranth. Audiomatique, nous avons entendu la formation américaine Model Actress avec la pièce Amaranth, qui est extraite de son premier album Dog's Body, lancé en 2023. Précédemment à Model Actress, il s'agissait bien sûr de David Bowie et la chanson Sue or in a Season of Crime de son 26e et dernier album Black Star, sorti en 2016. Mentionnons que David Bowie est décédé des suites d'un cancer du foie 2 jours seulement après la parution de Black Star, soit le 10 janvier 2016. Et en amorce de séquence, nous avions droit au groupe américain Sparks, qui existe depuis 1966. De son 25e album studio The Girl Is Crying In Her Latte, et paru en mai 2023, nous vous avons fait jouer la chanson « Take Me For A Ride ». Audiomatique, nous enchaînons maintenant avec la formation américaine « The Armed ». There's two games of playing, and I'm not the only one who sees it's either sport of measure, sport of form. Attention or freedom, which ones are the justify the ancient soldier of a burned a million pounds? No right or wrong. We'll be right back. choose to live. I choose to live. Water falling from the sky. I wanted to play. I wanted to play. I wanted to play. is a wonder. It's a wonder that I'm here. Till the end of my life, when I become a part, I become a part of the wonder. À Audiomatic, il s'agissait de l'artiste américain Lonnie Hawley, avec la pièce « I am a part of the wonder » à laquelle a contribué l'artiste américaine Moore Mother. Cette pièce se retrouve sur le plus récent album de Lonnie Hawley intitulé « Oh Me, Oh My » et sorti en mars 2023. Avant Lonnie Hawley, il s'agissait du super groupe américain A Perfect Circle qui nous offrait la pièce « Gravity » qui vient clore son deuxième album 13th Step, lancé en 2003. Et pour introduire ce bloc musical, nous avions droit au collectif américain The Armed, qui est originaire de la ville de Détroit. The Armed nous interprétait la pièce Public Grieving de son cinquième album Perfect Saviors, paru en août 2023. En conclusion de cette transmission 479 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe canadien Always. De son troisième album Blue Rev et lancé en 2022, nous écouterons la pièce Bored in Bristol. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Always et la chanson Bored in Bristol. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.